C'est le commentaire hebdomadaire de Tommy Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Hey Phil, je veux te poser une question. J'écoute le commentaire de Michel Villeneuve à la radio de Trois-Rivières. Michel Villeneuve fait encore un commentaire à la radio de Trois-Rivières tous les jours. Puis ce matin, il a dit que, puisqu'Eric Lindros hier a été a vu son chandail retiré par l'organisation des Flyers, Michel Villeneuve a dit qu'Eric Lindros, s'il avait accepté de venir à Québec, les Nordiques sont encore à Québec. Tu es d'accord avec ça? Moi, je pense pas que ça a rien changé. OK. Honnêtement, je pense que les propriétaires n'avaient pas nécessairement les moyens de suivre ce qui se passait au niveau de la flambée des salaires avec le nouveau plafond salarial qui s'en venait, les augmentations qui s'en également. Le marché de Québec était de plus en plus difficile. L'amphithéâtre était limité au niveau de ce qu'on appelle la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense que ça n'a rien changé. Qu'Éric Lindros aurait été à Québec ou pas. N'oubliez pas, là, que la transaction d'Éric Lindros et les Nordiques ont ramassé le magot au complet, là. Oui, Les joueurs, les choix de repêchage. mais Phil, ça aurait-tu Est-ce que Peter Forsberg serait venu à Québec? Probablement pas, là. Oui. C'est toutes des Côté choses hockey, c'était qu'on une facile excellente. d'évaluer 20 ans plus tard, dire, ah, s'il était là, il serait resté. Moi, je pense que c'est assez clair que le marché de Québec, à ce moment-là, aurait difficulté. Est-ce que Aubut également, en tant que propriétaire, a vu l'argent et beaucoup de profits à faire avec la vente de son équipe et il a ramassé le cash puis s'est balancé du reste de la vente à Québec, là. Moi, je pense que ça, c'est une priorité. Deux, on faisait des miracles à attirer du monde un peu partout pour remplir le fameux Colisée. Est-ce qu'on aurait été capable de le faire indéfiniment? Écoutez, on avait 25, 30, 35 autobus qui venaient d'un peu partout en dehors de la ville de Québec à chaque match. Est-ce qu'on a été capable de maintenir une telle promotion pendant tant d'années? Moi, j'ai des doutes un peu, j'ai des réserves là-dessus. Mais Phil, rappelle-toi, côté transaction, côté hockey, c'était une transaction incroyable. C'est probablement l'une des plus grandes transactions de l'histoire du sport, là. Sinon la plus grande, pas juste Aucun doute. hockey, là, du sport. Non, Sauf. non, je suis d'accord avec toi que ce que ça a rapporté là, vraiment aux Nordiques de Québec, là, ça a été tout simplement extraordinaire, là. C'est l'une des plus grandes transactions de l'histoire du hockey, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Le Phil. pire, est-ce qu'il restait là, puis est-ce qu'on aurait rempli les amphithéâtres? D'abord, Lindros a connu une belle carrière, oui. Mais je veux dire, c'est pas lui qui nécessairement qui aurait traîné les Nordiques seul sur son dos, là. Je ne penserais pas. Donc, moi, personnellement, je pense que cette transaction-là, les Nordiques l'ont fait. D'abord, il y avait une mésentente très grande entre la famille Lindros et Maître Marcel Aubut, ça c'était clair, on le savait très bien, puis on l'a toujours su après également, et ça a été prouvé, mais ça demeure quand même que dans le cas des Nordiques de Québec, moi je pense que de l'effet de dire rester à Québec ou pas, moi je pense pas que c'est Lindros qui aurait fait la différence. Mais Phil, ce que je veux dire, c'est que Lindros, c'était une excellente transaction parce que Lindros était, rappelle-toi, là, il était beaucoup plus gros qu'il a produit. Il a connu une très belle carrière, mais il n'a pas produit. Mais rappelle-toi comment il était gros, là, quand il était un junior. Pardon, Cherry. Mais rappelle-toi, s'il aurait accepté la première année à Québec, peut-être que on aurait construit un nouveau Colisée et là, les Nordiques auraient parti. Non? Ben, moi, je doute qu'on aurait bâti un nouvel amphithéâtre à ce moment-là. Là. Écoute, Ouais, OK. c'est facile d'imaginer un scénario comme ça, Ouais. mais moi, je pense qu'au but, là, tout ce qu'il pensait, là, c'est de ramasser le cash. Ouais. Je pense qu'il l'a fait, puis il a réussi à convaincre les gens d'affaires que c'était la meilleure deal à faire au monde, et je pense qu'il l'a très, très bien fait. Donc, moi, personnellement, je pense que le départ des Nordiques n'est pas relié nécessairement à la transaction. Est-ce qu'on aurait eu un nouvel amphithéâtre? Est-ce qu'on aurait eu plus de monde? Écoute, Forsberg était un grand joueur de hockey Ben quand il oui, un était à pour un, Québec. tu fais un pour un, puis t'es pas dans le trouble. Côté hockey. Exact. Donc, Ouais. je pense que Lindros a connu une bonne carrière. Je regarde les statistiques, là, oui. C'était un gros non. Surtout ça, là. Est-ce qu'il aurait nécessairement rempli l'amphithéâtre? Est-ce qu'il aurait permis aux gens de Québec d'avoir un nouvel amphithéâtre? J'ai des doutes là-dessus. Monté par Don Cherry, faut pas Ah l'oublier. ouais, mais oublie pas que Sherry a même déclaré encore cette semaine. Il Ouais. dit dans son temps, c'est le meilleur joueur de hockey de la planète. Arrêtons, là. Ouais. On peut l'en mettre, là. Mais ça, c'est Don Cherry, on le connaît avec la façon de s'exprimer puis la façon quand il voit un joueur. Lui, il l'aimait d'abord parce que oui, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est parce qu'il frappait comme un train. puis lui, il gênait pas pour démolir un joueur le long des bandes. Ce que Don Cherry adorait, mais c'est pas nécessairement... Moi, je pense pas que c'est lui qui était, dans sa génération, le plus grand joueur de hockey qui a passé dans la Ligue nationale à ce moment-là. J'ai des doutes là-dessus. Ouais. Hey Phil, j'ai posé une question sur les médias sociaux, tu l'as peut-être vu ce matin, puis j'ai eu pas mal de réponses. Claude Julien, là, c'est sûr que tu vas me dire, puis je suis 300% d'accord avec toi, puis je suis d'accord à ce que tu vas me dire, tu vas dire, il n'y a pas d'équipe, le gars. Mais le gars a quand même signé un contrat de 25 millions pour 5 ans, 5 millions par année. Es-tu déçu un peu de Julien? Moi, je suis déçu. Oui, OK. J'avoue honnêtement, sauf que moi, je dis toujours, l'instructeur est aussi bon que ses joueurs devant lui. Oui. Tu sais, c'est ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, exemple à Toronto, depuis 2 ans, l'instructeur des Maple Leafs de Toronto, c'est l'un des plus grands de l'histoire. Mais est-ce que son club, il faut aller tirer nécessairement parce qu'il est derrière le banc? Oui, il est bon pour enseigner. Oui, il est bon pour montrer. Oui, il y a de la crédibilité. Même chose pour Claude Julien. Claude Julien, là, il a gagné, là. On peut pas y enlever ça, là. Mm. Il a gagné la Coupe Stanley à Boston. Il a connu du succès avec les Browns. Mais là, écoute, moi, je suis déçu des résultats. Est-ce que Claude Julien ou Michel Therrien ferait mieux avec l'équipe qu'elle a actuellement? Moi, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Parce que, moi, je pense que les instructeurs ont des décisions à prendre. Ils font des décisions dans des matchs importants, ils vont prendre. Mais à la fin, là, c'est comme au baseball. Les décisions que les instructeurs prennent, ça joue pour 15 à 20 maximum. Mm. Je pense pas qu'au moment où on se parle, le meilleur instructeur de la Ligue nationale derrière le banc du Canadien, mercredi à Boston, c'était pathétique, là, d'avoir joué le Canadien, là. C'était l'une des pires confrontations que j'ai vues du Canadien depuis le début de l'année, mais c'est pas nécessairement un Claude Julien. Moi, Claude Julien, je le trouve fade, je suis pas un fan de Julien, puis quand on l'a signé, j'étais pas un fan de Julien non plus. Moi, je pense qu'on a paniqué chez le Canadien à ce moment-là. Therrien faisait pas de mauvais job. La preuve de ça, c'est qu'on n'a pas pu faire mieux non plus derrière le banc, même si Claude Julien a pris la succession. Mais moi, personnellement, je suis pas un fan de Claude Julien. Quand il rencontre les médias, il y a toujours la même régaine, il dit toutes les mêmes affaires. Mais écoutez, il peut pas inventer des choses, là. Mercredi soir, vous voulez dire qu'ils disent quoi, là? Planter ses joueurs? Vous savez comme moi, yeah, que les joueurs, quand ils décident qu'il y en a assez du coach, là, ils vont tout faire pour le faire congédier, donc c'est pas le temps. C'est aujourd'hui un changement d'attitude derrière le banc. Est-ce que Claude Julien, la nouvelle génération d'entraîneurs, moi je dis que non, c'est l'ancienne génération, mais je suis d'accord avec toi pour dire il y a un contrat de 5 ans dans ses poches à 5 millions par année, ils ne congédieront pas demain matin. C'est ça, s'il serait signé pour 1 million, 1,5 million, 2 millions, en tout cas tu le dis, mais le gars a 5 millions. Et juste savoir la manière... C'est 5 millions lui, puis il paye encore Therrien cette année, puis l'an prochain 2 millions et demi par année. Ouais. Mais c'est 7 millions, c'est le prix d'un joueur vedette. Ouais, mais à 5 millions, me semble, que... Est-ce que les Golden Knights seraient meilleurs sans Gérard Gallant? Il fait tout un job, lui s'en va directement comme entraîneur de l'année, là. Oui, mais lui, là-bas, il a fait une chose. Gérard Gallant est un coach player. Ça veut dire que c'est un gars qui fait comprendre aux joueurs qui sont importants. Puis je pense que, dans le cas de Gallant, il a réussi à dire aux joueurs, vous êtes tous des gens là que plus personne ne voulait avoir. Ils ont tous convaincus qu'ils pouvaient faire un travail tout à fait exceptionnel en jouant en équipe. Ils ont accepté de jouer sa façon de faire. Ça, c'est la première année. Maintenant, est-ce que l'an prochain, il va réussir encore à convaincre ses joueurs? Parce que là, je vais donner un exemple. Marchessault, qui jouait l'an passé en Floride, gagnait 750 000. Ouais. Là, il vient de signer un contrat de 5 millions pour 5 ans. Mm. Là, il est parmi les joueurs vedettes, là. La même chose pour Perron, qui était un joueur qui jouait troisième trio, puis qui allait pour le promener de Saint-Louis à d'autres franchises. Là, il est devenu un joueur important là-bas. Donc, c'est tous des joueurs qui étaient un peu rejetés par leur équipe, ou bien c'était un peu en trop, puis on trouvait une solution pour le passer là. Est-ce qu'ils vont répéter ça l'an prochain? Pas sûr. En début d'année, là. En début d'année, personne, quand ils les rencontraient, les prenait au sérieux. Là, on commence à les prendre au sérieux, puis dire, écoutez, et là, tout le monde dit, est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ça jusqu'à la fin de l'année? Mais actuellement, ils performent. Gallant leur dit exactement ce qu'il faut. Et Gallant, il faut admettre une chose, là. Il a connu du succès comme instructeur il y a 2 ans. L'année passée, c'était un peu plus difficile en Floride avec un DG inexpérimenté. Il a perdu sa job. Là, il fait un travail colossal avec des joueurs qui étaient rejetés de partout. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de maintenir ça, puis d'être capable de les augmenter et tout? Mettons que j'ai des réserves un peu là-dessus. Hey Phil, en terminant, je veux te parler de curling. Je sais que tu es un grand amateur de curling. Puis la performance, écoute, c'est historique ce qui s'est passé cette semaine. Parlant de ça, tu sais pourquoi que les juniors étaient là? C'est parce qu'ils ont été invités, semble. Je l'ai demandé à Joël Garnier. Il y avait seulement 5 équipes d'inscrits. Ouais. Et il manquait 3 équipes. Ouais. Donc, on a voulu, pour faire un tournoi à la ronde bien ben organisé, 3 équipes, on a invité 3 équipes juniors. Et en plus, on avait demandé aux vétérans, aux Marie-France Larouche et les autres, qu'est-ce qu'il y en était. Et semble-t-il qu'eux, là, ils ne voulaient pas voir les juniors là. Ben ouais. Et là, la surprise de tout le monde, l'équipe de River Bend a battu les 3 équipes favorites, sont rendus en grande finale, puis maintenant ils se retrouvent là-bas. Les juniors n'avaient pas de pression. Ben non, c'est là. Sûr, c'est sûr. Elle est là pour prendre l'expérience, puis dire nous, on va s'amuser. Et là, ils ont connu du succès tout à fait exceptionnel. Et moi, je trouve que c'est une belle nouvelle pour le curling au Québec. C'est rafraîchissant. Parce qu'actuellement, le curling prend de l'ampleur à cause de la télévision. Parce que la télévision donne beaucoup de visibilité. Moi, je vais te donner un exemple. Et deux, c'est que il y a actuellement une nouvelle génération de curlers qui, dans les clubs, qui remplissent les clubs, ce sont les retraités, les bébés boomers. Les gars qui sont à la retraite à 57, 58 ans, qui cherchent un sport d'hiver. Moi, je vais te donner un exemple. Je joue au club de curling chez Coutimi l'après-midi. On a 5 après-midi. On a 8 équipes par après-midi qui jouent tous les jours. Donc, c'est plein tous les jours. Et le soir, on a même des ligues où il y a trop d'équipes. Il y a des équipes qui sont en stand-by. Il y a au moins une ou deux équipes. Exemple, je joue dans une ligue le lundi soir. Et à chaque semaine, on a un bail à 7 heures, puis un bail à 9 heures. Donc, ça fait 16 équipes. Et au total, on a 18 équipes qui jouent dans la ligue. Donc, ils sont obligés d'avoir 2 équipes qui sont à chaque semaine au repos. Pourquoi? Parce que le curling prend de l'ampleur, prend de la popularité. Et ça se retrouve au niveau des personnes d'un certain âge, mais ça se retrouve également au niveau des jeunes. Parce que là, la télévision en monte, on est aux Olympiques, on commence à avoir des jeunes qui poussent là-dedans. On a même des endroits où c'est au scolaire. Il y a sport-études, ça fait partie de sport-études. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Et deux, les instructeurs sont plus qualifiés maintenant. On n'apprend pas sur le bord en disant « on lance des pierres » et tout ça. Là. Maintenant, on a des gens qualifiés, on a des gros tournois, on se présente un peu partout. Puis la télévision donne un bel exemple en les montrant un peu partout régulièrement. Et là, ben, le curling prend de la popularité, puis tant mieux. Et là, on sent également que les clubs de curling, avant, qui vivotaient, là, maintenant, sont rendus avec 300. Exemple, à Chicoutimi, au-delà de 300 membres, ce qui est excellent. Ils réussissent à faire leurs frais. Puis ça, je pense que c'est la bonne nouvelle du curling. Mais, Phil, ce que je voulais te dire, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment que ça va... Comment qu'ils vont se comporter là-bas? Ça va être très drôle, ça va être amusant de voir qu'est-ce qui va... Parce que là, ils vont être le centre d'attraction. Là. Puis tu sais comment que c'est très gros. Autant au Québec, c'est pas gros. Autant au Canada anglais, c'est le tournoi des cœurs, c'est gigantesque. Je vais te donner juste un exemple. Ouais. J'écrivais cette semaine dans le quotidien. Robert Desjardins et sa fille Émilie sont allés pour se classer pour les Olympiques. Là. Ils sont arrivés là-bas. Il y avait une équipe du Québec qui était là. Et là, ben, ils sont devenus presque les chouchous du public là-bas. Écoute, ils ont fait des entrevues à CBC. Robert a même été demandé pour être analyste en demi-finale. Et ça va être la même chose avec nos juniors, là. C'est une première que des juniors soient à ce championnat-là. Et je pense que ces jeunes-là vont vivre une expérience tout à fait extraordinaire là-bas. Et moi, je pense qu'ils vont là pour apprendre. Ils vont là sans pression. Mais je pense que pour les prochaines années, ces filles-là vont avoir beaucoup de vécu. Puis ça va leur donner, je pense... un élément supplémentaire pour continuer à travailler ensemble, parce que faut pas oublier, c'est un sport d'équipe, donc ça prend les 4 joueurs qui jouent très très bien, qui s'entendent très très bien, et surtout qu'ils soient bien encadrés. Je pense que c'est un peu ce qui est le cas de l'équipe de River Bend qui a connu du succès la semaine dernière. J'ai hâte de voir. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Desgagnes.